Livre dixième, chapitre 6. Petite flambe en baguenau. En sortant de la Bastille, Gringoire descendit la rue Saint-Antoine de la vitesse d'un cheval échappé. Arrivé à la porte Baudoyer, il marcha droit à la croix de pierre qui se dressait au milieu de cette place, comme s'il eût pu distinguer dans l'obscurité la figure d'un homme vêtu et encapuchonné de noir qui était assis sur les marches de la croix. « Est-ce vous, maître ? » dit Gringoire. Le personnage noir se leva. « Mauvaise passion ! Vous me faites bouillir, Gringoire ! L'homme qui est sur la tour de Saint-Gervais vient de crier 1h30 du matin. « Oh ! » repartit Gringoire, « ce n'est pas ma faute, mais celle du guet et du roi. Je viens de l'échapper belle. Je manque toujours d'être pendu. C'est ma prédestination. » « Tu manques tout !» dit l'autre. « Mais allons vite. As-tu le mot de passe ?»« Figurez-vous, maître, que j'ai vu le roi. J'en viens. Il a une culotte de futaine. C'est une aventure. » « Oh, quenouille de parole! Que me fait ton aventure? As-tu le mot de passe des truands ?»« Je l'ai, soyez tranquille, petite flambe en baguenau. »« Bien, autrement nous ne pourrions pénétrer jusqu'à l'église. Les truands barrent les rues. Heureusement, il paraît qu'ils ont trouvé de la résistance. Nous arriverons peut-être encore à temps. »« Oui, maître, mais comment entrerons-nous dans Notre-Dame ?»« J'ai la clé des tours. »« Et comment en sortirons-nous ?» Il y a derrière le cloître une petite porte qui donne sur le terrain, et de là sur l'eau. J'en ai pris la clé, et j'y ai amarré un bateau ce matin. « J'ai joliment manqué d'être pendu !» reprit Gringoire. « Eh, vite ! Allons !» dit l'autre. Tous deux descendirent à grands pas vers la cité.